Line Lainine, as-tu aimé mon petit repas intime hier? Moi, je sais faire ça, les repas d'amoureux, Lainine. Oh! Un petit restaurant tranquille. Hein? Je t'avais placé, toi, ma console sur la table, devant un verre d'eau, mais pas sur les boutons. Ben non! Pour pas créer des chocs électriques. Il y a assez que quand je te vois, moi, j'en ai partout des chocs électriques, Lainine. Oh! Crois que ça, c'est une belle liaison à venir, ça, là. Est-ce que ça va se terminer en mariage? Alors, je veux pas te poser trop de questions, là. On verra. On va pas précipiter les choses. Mais en ce beau 20 mai 2024, tu sens l'été, tu sens l'amour, tu sens la liberté. Aujourd'hui, le lundi 20 mai 2024, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes membres de CKRL. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! T'as pas 100 watts que je me paye une prise femelle, une grosse qui serait à côté de ses semelles. La dernière en date posait même plus de lapin. J'ai fait des kangourous. Celle-là toute une nuit, je me la suis prise d'otage. Au matin, c'est moi qui paye la rançon. En petite coupure et en gros câlin. Une affaire qui me semblait inouïe, inouïe, inouïe. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. On n'a pas l'air bon. Non, non, non, non, non, non, non. Au supermarché, je pousse à fond mon. Bourré jusqu'à la gueule, vitamine. J'ai pas le temps de respecter la priorité. C'est l'accident stupide. Oh! On n'a pas l'air con. Yeah! Les pastèques, le kawa et la clé anglaise se mélangent en vrac ou pas. Je voudrais juste revenir sur un détail technique. La caissière s'appelle Louis, s'appelle Louis, s'appelle Louis, s'appelle Louis, s'appelle Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis, Louis. On n'a pas l'air con. Non, non, non, non, non, non, non. René et moi on prépare un trip à trois. Tu peux imaginer l'expérience. J'ai pas beaucoup de pas. Mais je me documente. Je vais peut-être me laver sous les pieds. Yeah. On n'a pas l'air con. Non, non, non, non, non, non. Sous l'étagère doit rester un fond de bouteille. Martine en pleurs, je lui glisse à l'oreille. J'ai tout de suite compris que t'avais joué avec moi. Je veux refaire ma vie avec toi. Je te dis que si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si. On n'a pas l'air con. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. On n'a pas l'air con. On n'a pas l'air con. On n'a pas l'air con. Je ne sais pas si vous avez lu le livre Le Petit Foulard de Marguerite B. Ben, j'ai l'air d'un B, tu vois. Je pense à Bardot. Non, on commence. Le Petit Foulard de Marguerite D. Colette Felloux a écrit grâce à son talent aux éditions Gallimard, donc je vous le conseille fortement. Et j'aimerais improviser, si ça vous le dit, en début d'émission. Oui, Colette Felloux, Gallimard, Le Petit Foulard de Marguerite D. Pas 3D, là, c'est pas un soutien-gorge, là, je parle. Oui, dépôt. Des primes, garde-moi l'autre, insignifiante. Ben non, des pour Duras. Alors, je commence par la première phrase et je m'en irai dans une improvisation. J'espère que nous irons aussi loin que le... Comment t'appelles ça, donc? Oui. Oui. Que nous transcendrons les mots. Allons-y. C'est très simple. J'ai commencé, là, OK? C'est très simple. Je voudrais retrouver le moment où soudain Marguerite s'est arrêtée de me parler et que tout s'est suspendu. Je resterai d'abord là, sur ces secondes, puis je partirai sans destination précise, juste partir sur un morceau de soie. Ouais, mais là, est-ce que c'est le tissu, la soie, ou est-ce un morceau de nous-mêmes? Bonne question! Moi, je dis jamais rien d'insignifiant, rien d'insipide. J'essaie de connecter, de me brancher. Parce que connecter, c'est rendu une phrase très, très... un mot très, très, très à la mode. Hein. Il faut être up-to-date, comme disait Rimbaud. Si tu n'es pas up-to-date, ça me fait penser à la chanson de mon ami Tom Novembre. Up-to-date, old-fashioned, passagère, particulière, jamais je ne saurais qui elle était. La connaissez-vous? Tom Novembre, un de mes chanteurs préférés, mais méconnu, le plus méconnu de mes chanteurs préférés. Quoique Bachung en est... Si tu trouves que Bachung est dans... Non, est dans la sombre. Non, il n'est pas dans la sombre. Il est dans la luminescence. Si tu ne le connais pas, c'est pas mon problème. On appelle ça de la culture. Si tu as de la culture, tu t'intéresses à tout. Donc, tu peux ne pas le connaître. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais... si tu es curieux, curieuse, l'intérêt, c'est d'aller fouiller, d'aller chercher, d'aller trouver qui était ce bonhomme. Mais là, on ne parle pas de lui, là. Non. On parle de Marguerite D., Duras, Marguerite comme la fleur. Ça aurait pu être Yourcenar. Marguerite, connaissez-vous la belle Marguerite Yourcenar? Grande intellectuelle, de profession. Crayon à mine, mauvaise mine. Stylo bille, ah, là, on reconnaît la fille. Ouais, bille-fille, c'est pas très bon comme le rimette. Ouais. Puis, j'aimerais bien, là, enlève la limette, puis prends du citron. Rimette, limette, non, OK. Non, on va aller plus loin. Faites-vous-en pas. Non, mais là, je lirai pas tout le roman complet. Moi, je voulais juste partir. Comme chantait partir pour mieux revenir. Mais revenir vers où, on ne le sait pas. Sinon, comment ça va, vous? Ça finit de même. Ben oui. Quand l'inspiration est là, elle est là. Quand t'es pas là, elle n'est pas là. Mais c'est pas grave. On ne cherche pas à exagérer, hein? À placer le turbo quand il n'y en a pas. Mais non. Tout simplement, la vie, c'est ça. On prend ce qui est, puis on n'essaie pas de chercher ce qu'il n'y a pas. Je deviens sage avec les années où je dis, hein, comment ça, Gaga, toi? Lady Gaga? Déjà, là, c'est pas un nom d'artiste, Lady Gaga, là. Ça fait un peu Gaga, tu sais, ça fait peut-être à la fin, là, quand tu te berces, puis ou peut-être un nouveau né. Comment ça, elle a trouvé ce nom d'artiste-là? Je suis sûr que c'était une soirée bien arrosée ou bien poudrée. Elle faisait pas du ski, madame, là. Pas poudré dans ce sens-là, là. Non. C'était pas non plus pour sentir bon. Non, poudré le nez. Cocaïne. La cocaïne. Pas beau, la cocaïne. C'est pas beau. Mais c'est blanc, là. Blanc comme neige. C'est blanc. Vierge blanchâtre. Mais c'est pas beau. C'est pas bon. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas bon, hein? Trop de chocolat, pas bon. Hey! Du cacao, pas bon. Moi, j'aime ça, mon chocolat. J'aime ça aussi. Mais plus, je suis plus sucré que salé. Moi, ma copine est salée. Elle sale tout. Mais elle sale tellement, cette dame-là, cette demoiselle-là, parce que si je dis dame, elle va m'écraser la mirnouf, hein? Et si elle m'écrase la mirnouf, je risque de ne plus parler pendant au moins 2 semaines. Oh, parce qu'elle ronfle, elle ronfle, la mirnouf. Et plus elle ronfle, moins on peut laisser passer l'air. C'est ça, la mirnouf. Vous ne connaissez pas la mirnouf. Vous venez de quel pays, madame? Le pays de toute l'inconscience. Bon, l'inconscience est où? Dans tous les pays. L'armirnouf! Oh! Non, mais sans blague, qu'est-ce qui se passe? On cherche quoi? L'armirnouf? Elle est introuvable. Elle est introuvable puisqu'elle est tout simplement parmi nous. À chaque instant, l'armirnouf veut parler, veut s'évacuer, veut prendre son essence, veut prendre son essor, veut prendre sa place dans l'univers. Alors, vous aimeriez que nous, que nous parlions à l'armirnouf? Conjugaison assez compliquée, hein? Alors, l'armirnouf, où est-elle? Où se situe-t-elle? Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est partout. Parmi nous. Parmi nous, la myrtose, la dona, la signée. Ah, mon lacé. À l'école, la malache. Clownsting. Calant les clonches. Et cloustillage. Pleuve. C'est plus croustillant, ça, c'est moelleux. Je pensais que ça allait faire cringe. Ah non. Ça fait plus cringe. Ça fait tellement longtemps que je les ai, mais c'est très bon. Elles sont plus fraîches. Elles ne sont plus fraîches. Mais elles sont délicieuses. C'est des soucoupes volantes, madame. Connaissez-vous ça, des soucoupes volantes? Excusez-moi. J'en ai quelques-unes dans la bouche. Une dernière pour la route. Alors, c'est comme des retailles d'hostie. Alors, il y en a deux, hein, sur la même soucoupe volante. Pour avoir, bien sûr, le design de la soucoupe volante. Il y a une première partie, genre d'hostie, qui est concave. Et l'autre hostie est concave-converse. Hein? Concave-converse, c'est ça? Converse où? Ben, converse dans le concave. Oui. Je pense qu'il y a une petite erreur, là. Concave-converse. T'es en train de... Ben, j'ai bien raison. Hey, Je me fais pas confiance. Convexe. Concave, convexe. Anatomie. Convexe, c'est ça. Concave, convexe. Excusez-moi. Je suis un ignare, heureux de l'être. Parce que moins tu connais de choses, plus t'es heureux. Concave, convexe. C'est vrai, convexe. On va la recommencer, celle-là. Non. OK. Alors, il y en a une qui est bombée. Et il y a une autre qui a un creux. Hein? Le concave, c'est la petite rondelle. Et convexe, c'est celui qui la bedaine par en dedans. Et à l'intérieur, il y a deux versions. Il y a celle où on rajoute de la poudre. Non, c'est pas de la cocaïne. Mais des bonbons. Vous savez, comme un suçon, ça existe. C'est un suçon avec 3 saveurs de poudre, hein, cerise, fraise et puis framboise. Et on trempe notre suçon là-dedans et on goûte la saveur. Mais là, c'est la même chose avec la soucoupe volante, mais il n'y a pas de bonbon, il n'y a pas de suçon. Ce qui fait que la poudre reste à l'intérieur, c'est la soucoupe volante, concave, convexe. Voilà. Vous avez tout compris? Mais je pensais que c'était plus croustillant que ça, puis ça allait faire un effet incroyable dans mon improvisation, mais là, je crois que sincèrement, entre vous, moi, la bagnole, et Julie Vincent, qui, bien sûr, aujourd'hui, a eu 19 ans, bravo, je l'applaudis, je l'aime, je l'embrasse, et surtout, sa sœur, Margaret, 32 ans, femme de tête, heureuse comme un pilote d'avion,

J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Gaétane? Oui, c'est ton mari Raymond. Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Je me prépare un peu, là. Je sais, il est un peu tôt, mais il est jamais tôt pour te faire plaisir, mon amour. On est ensemble depuis combien d'années? On s'en souvient plus, on veut pas ça. On vit dans l'instant présent, le temps passé, hein? Emmenez-moi au pays des merveilles. On est constamment dans l'émerveillement ensemble, hein? Depuis le début de notre monde à nous, hein? Parce que chaque personne a son monde. Le monde a un monde, mais chaque individu a un monde aussi. T'avais pas pensé à ça, ma chérie? Oh, on n'est pas des penseurs, non, on réfléchit, je sais, j'ai déjà dit, je radote, mais c'est pour ça qu'on s'aime, hein, on radote. On est comme des monologues d'Yvon Deschamps puis Clémence Desrochers. Ah, oh, on radote, on redit la même affaire. Mais c'est tout le temps le rôle, hein. Ah, oh, oui, la grand-mère qui a la courte grâce. Puis l'union que ça donne. Tu sais, quand tu fais un mélange des deux, ça fait deux. Hey, puis ils étaient ensemble dans la vraie vie. Ben, pas ensemble dans le système amoureux, là, mais ensemble des amis dans le monde de la création. Ils vont des champs. C'est un ancien batteur, lui. Il jouait de la batterie, pas un batteur de femme. Il jouait de la batterie. Pourquoi on dit, quand on dit batteur, pourquoi dans notre tête c'est un batteur de femme? Pourquoi un homme serait tout le temps un batteur de femme? Ça pourrait être un batteur de tapis. Un batteur de tapis, ça existe, un batteur de tapis. Dans des sexes, des tapis, ben, ça existe encore, mais on n'en veut plus chez nous. Dans les années 70, il y avait des tapis partout. Même les femmes étaient tapissées, il y avait du poil partout. Aujourd'hui, hey, monsieur, mais ça revient à la mode, heureusement. Oui, je me suis rendu compte de ça il y a deux semaines. Oui, pardon. Non, je peux. Oui, c'est une... Ben voilà, donc. Ben, tu sais, quand tu fais partie de la... Je suis une vedette, moi, dans le... Oui. Ben, je suis pas une vedette moi-même, là, mais je connais une vedette qui est à la radio. Ben oui, Renald Grenier. Ésotérisme, errance rénale... Érotérisme, érotisme et errance rénale... Ouais, l'émission, le dimanche à 5... À minuit 59... Non, c'est 23:59. C'est pas cher, 23:59, mais quand c'est l'heure, c'est 23:59 aussi. Pour ne pas dire le lundi à minuit. T'es mêlé comme le... Oh, mon Dieu, comme... Oh, comme le... Oui, le mozzarella. Le mozzarella est tout le temps mêlé, surtout quand il est râpé. Puis quand, surtout que, quand il commence à fondre. Il se démêle quand il fond. Il se démêle. Parce qu'il devient... Il devient quoi? Regardons, t'as jamais vu du mozza qui, exemple, sur une pizza? Il s'unit un à l'autre. On appelle ça du socialisme. Regarde-moi, comment ça, du socialisme? Bon, on parle pas de politique, là, quoique tout est politique. Tout est politique. Notre discours est politique. Ce qu'on dit actuellement, là, c'est très politique. Quand tu t'arrêtes à une lumière rouge, là, si c'est pas politique, dis-moi, pourquoi t'arrêtes à une lumière rouge? Parce qu'on te dit que c'est un arrêt. Quand c'est vert, pourquoi tu passes? Alors, tout est politique. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas important. Bon, non. Ce qui importe, c'est qu'on s'aime, qu'on soit amoureux encore aujourd'hui. Hein? On s'échange la paparman, puis on se berce, puis on aime bien ça. Mais, hey, t'as-tu entendu? Bon, tu vois, on est déjà pas sourd. Non, mais t'as-tu des... Elle est pas pire, elle est pas mal. Pas pire, pas mal. Mais notre fille, elle est pas mal, pas pire, hein? Mais moi, je trouve ça bizarre, là, tu sais, quand elle part, elle s'en va le soir, avec pas grand-chose pour aller travailler, puis elle revient aux petites heures du matin, talons hauts, puis elle padding à bedding, puis de la misère à marcher, tombe des marches, puis ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle arrive le matin, puis elle se réveille pas, puis on va réveiller, puis elle veut pas, puis elle me dit, je gagne ma vie, je sais que tu gagnes ma vie, tu gagnes ta vie, hey. Oh, ça, c'est un pléonasme. Ben, elle gagne ma vie un petit peu, parce que, ben, en fait, elle paye un loyer, là, une belle chambre, là, chauffée, éclairée, j'ai même acheté un petit frigo, elle peut mettre ce qu'elle veut dedans, elle barre sa porte, je rentre pas. 300$, aujourd'hui, c'est quoi 300$ pour une belle petite chambre de même, mais tranquille. Elle peut inviter qui elle veut, mais faut pas que ça fasse trop de bruit. Non, mais on est peut-être à l'aurore de la sourdine, hein, mais on veut pas non plus entendre des sons qui pourraient nous déranger à notre âge. Vous croyez là, que parce que ça risque de nous ébranler. Ben, on a déjà vécu des affaires, nous, hein? On était en couple, on a eu des enfants, on sait comment ça fonctionne. Mais là, elle a commencé une nouvelle tangente, là. Ah, oh, mon Dieu! Mais en plus, elle a commencé à l'université à faire ça. Elle disait pour gagner ses études. Voyons donc, il y a d'autres manières. Puis tu sais même pas c'est quoi, ben voyons. Prends pas ton père pour Crésus. Hein? Il regarde souvent dans le Judas, puis c'est très bien ce qui se passe dans la vie, là. Hey, pas parce que j'ai 92, 80 quoi? J'ai 72, j'ai 52, j'ai 32, 22, en tout cas, peu importe, là. Ça finit par deux. C'est pas parce que ça finit par deux que je vois rien, puis j'ai rien vu dans ma vie. Hey! Moi, j'ai habité 2 ans et demi à Saint-Roch. Saint-Roch, des Ormeaux. À Val-David, puis après ça, 5 ans à Val-Briand, avec Josaphat. Oui, il y avait la famille Lavoie, il y avait Claire Lavoie. Oui, j'en ai déjà parlé de ça, mais il y a longtemps. T'appelles ton enfant Claire Lavoie. Elle doit se sentir diminuée pendant toute sa vie, Claire Lavoie. À un moment donné, elle a, tu sais, un mari plus intellectuel, là. Alors, Claire Lavoie, c'est pas gentil, ça s'appelle Claire. Mais quoi que c'est beau, Claire, moi j'adore Claire. On me dit souvent que j'ai la voix Claire. Ben, demande à Claire. Il y a Claire Papary, moi j'adore Claire Papary. Ouais, elle jouait dans Passepartout. Ah, oh, la plus belle de Passepartout. Tout le monde était beau, même ben, Passepoil. Ah, moi j'aimais ça, Passepoil. Ben, mais j'étais allergique aux poils d'animaux. Ouais. Ma femme, je me suis habitué. Mais c'est pas un animal. Mais nous sommes tous des animaux, mais je veux dire, je l'apprends pas comme un passepoil. Puis je passerai jamais passepoil non plus. Hey, imagine-toi un gros chien même dans un lit, ça doit prendre de la place. Puis oh, mais on n'est pas. Hein, plus on vieillit, nous autres, plus on est maigre. Pas parce qu'on mange pas. On dirait qu'on. Aussitôt gobé, aussitôt éliminé. Ouais. On est rendu de même, on est heureux, nos enfants nous le disent, puis même ma petite dernière, là, que je vous dis, là, qu'une chambre à 300$, puis on dit, non, fais ta vie, puis prends ton temps, puis c'est bien beau, là, mais hey, elle embrasse la fin de la vingtaine, elle, puis elle se fait embrasser par des autres personnes de plus de 20 ans. Comme disait Aznavour, on l'a dit tantôt, depuis 20 ans que les gens ne peuvent pas connaître. Ma fille, dans ce temps-là, était aux couches. Puis lui, il était déjà à bière. C'est inquiétant, la vie. Dans les bars. Hey, non, excuse-moi, je voulais passer une autre chanson. OK. Hey, là, ça, c'est bon, ça. Non. I got to do- chérie. Tu veux danser? Le twist and twist. Twist and twist. Twist un peu, c'est du twist and twist. Des coins toi du boulot. Enlève tes souliers. C'est bien trop haut. C'est du list and twist. Glisse, toi qui sais. Mets tes bas. Dans la vie, il y a des bas. Ça arrête de même, voyons donc, toi. Donna Summers, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On t'avait payé. OK, ah, oh, je comprends. Quand on la paye pour 6 minutes et 23, OK, on veut pas payer de supplémentaire. Ah, oh, non. C'était beau. On a dansé là. Bon, hey, j'ai vu un spectacle du groupe Pet Shop Boys récemment, là. J'étais pas présent, mon corps n'était pas dans le Colisée ou dans l'amphithéâtre. Moi, j'enflis du théâtre, là. J'ai mal aux genoux. T'as vu ça? On dirait un amphithéâtre. Hein, le théâtre, hein? Le gens qui rient, gens qui pleurent, gens qui rient, gens y a peur, gens pas pu, gens pas peur, la mamie, la mameur, à babi, à babeur, la babeur, oh la babeur du jour. La babeur du jour, c'est la babine qui coule. La babine qui coule de babeur. Quand il y a trop de babeur, ça donne mal au foie. Ben, ça donne pas mal au foie, mais ça fait travailler le foie. Quand ça fait travailler le foie, faut pas le taquiner, lui. Ah, c'est... Non, le foie est ravageur. C'est là son plus grave défaut. Qu'est-ce que tu faisais, oui, pendant que tu mangeais du beurre? Oui, le foie, je peux te dire, qu'est-ce que j'avais? Moi, je recevais tout ça, là. Hey, c'est pas facile pour moi, là. T'as jamais été un foie, toi? Ah, non. Oh non, puis en même temps, ma foi est assez limitée comme ton cerveau. Assez limitée comme mon cerveau. Et puis, arrête de me faire manger des affaires qui sont difficiles à digérer. Ouais, moi, je connais-tu vraiment? Mais tu connais pas ça, mais au moins, renseigne-toi et va voir des nutritionnistes. Ouais, mais là, payer pour que je sois heureux, là, c'est quand même quelque chose de bien. Bien. Quand j'aime ça, c'est bien. Ouais, mais c'est toi qui travaille. Non, c'est moi qui fais... Je fais tout le travail. Puis des fois, t'as des échos, toi, là, hein? Tu régurgites, puis... Ah ouais, ça m'énerve. Pourquoi tu me fais ça? Ben ouais, parce que tu prends trop de beurre, t'es trop dans le gras, là. Je coupe dans le gras. Puis c'est quoi la lien avec Pet Shop Boys? Aucun lien, mais en tout cas, j'ai vu un spectacle de Pet Shop Boys. Mais j'étais pas là, ok, c'est ça, j'étais pas là. Ben, j'étais là d'esprit, là, j'étais là, mais mon corps béni de Dieu et de tous les autres membres de Riopel, non, c'est pas, c'est Machiavel, c'est le beau-frère à Rénal, oui. Il veut plus rien savoir de toi, Machiavel, parce qu'en fait, il est plus diabolique que toi. Fait que, moi, à ta place, là, j'irais prendre des cours, là, comment être plus méchant aujourd'hui, en 2024, parce que ça passe plus, là. Non, il y a plus rien qui passe là-dedans. Le blues passe plus dans la porte, la méchanceté non plus, puis, ouais. Puis, Pet Shop Boys, sont pas méchants, eux autres. Ah, non, mais il était voir un spectacle. Il était pas là, lui, mais il regardait ça à la télévision. Ah, ouais, j'étais devant ma télévision. Et puis, j'aime bien, le matin, avant d'aller travailler, prendre. C'est en fait une chaîne qui diffuse des spectacles. C'est des vidéoclips, mais de spectacles. Mais à midi. Mais je dis le matin, là, mais moi, je commence à 13h à travailler. Le midi, c'est un spectacle, un intégral, avec bien de la pub, là, mais un intégral. Et c'était les Pet Shop Boys. Ben écoute, moi, quand je les ai connus, c'était pendant l'album Actually. J'adorais ça, toutes les chansons, Rent, toutes les chansons, j'adorais. Puis là, quand j'ai vu ça, je pensais au début, là, hein, au tout début, je croyais que c'était le groupe allemand, là, Rubber, celui qui fait TV, TV in the Motion. Motion-moi la TV, mâche-moi la TV, puis crache-moi des indigestions, non? Hey, mais moi, ça serait plutôt, là, mange ta radio et raconte-moi tous tes idéaux. Ah oui, parce que la radio, c'est quoi? C'est l'ouverture vers le monde. C'est laisser l'imaginaire s'envoler vers les goélands, vers autre chose que les goélands, notamment, moi, te le dire, là, vers le Ouistitilion que je parlais il n'y a pas longtemps, parce qu'il peut voler, lui, parce que ça, il y a une queue, oui, mais moi, je ne peux pas faire ça, mais il y a une queue, puis il se tournoie la queue sur une branche d'arbre, puis avec ça, il swing! Puis là, il part, on dirait qu'il vole. Mais ça vole pas, ça n'a pas des ailes, mais c'est la queue. Mais c'est pas une queue remplie d'ailes, là. C'est l'énergie centrifuge avec l'énergie centripète. Puis là, quand il tripète, là, ça, on dit centripète parce que lui, quand il se laisse aller, là, pff, il y a un petit vent qui sort du tripète. Ça lui donne. C'est un moteur à réaction. Ça a une réaction très, très rapide, là. C'est un millicentième. Mais quand même, puis ça brise la couche d'ozone. Plus, mais on ne dira pas, mais c'est plus que la vache. Parce qu'on dit, hein, les vaches évêchées, là, ceux qui, qui aiment les vaches connaissent ça. Ils disent moi j'ai une vache là, puis on voulait plus deux là. Non, une c'est assez pour ma consommation personnelle. Ben, je veux dire, la vache, elle me donne le lait que j'ai besoin, mais je suis pas un très grand amateur de lait. Mais un grand amateur de vache, mais pas de lait. Parce que, hey, le matin, là, hey, là, puis j'ai pas donné encore sa nourriture quotidienne. Non, elle me regarde, puis elle se laisse aller la prothèse dentaire, puis elle me regarde des beaux grands yeux bleus, puis j'ai dit, je t'aime. C'est l'amour. The city is quiet too. les Pet Shop Boys. En tout cas, tout ça pour dire que les Pet Shop Boys, c'est quand même... c'est quoi le groupe allemand, là? En tout cas, peu importe ta mémoire, mais je ne suis même jamais capable de dire ça. J'étais jamais capable de dire ça, c'est ça que je disais. Mais après ça, je dis, mais non, c'est les Pet Shop Boys. C'était écrit en bas. Ils ont écrit Pet Shop Boys. Règle générale, là, ça, ils mettent ça rarement, l'écriture. Mais comme ils voyaient que je cogitais. En tout cas, je les manège à moi, c'est toi, tu es la ritournelle, et je suis pas ton doigt à moi, c'est toi. Et là, ils ont dit, on va y mettre l'écriture Pet Shop Boys, il va arrêter d'halluciner, me dire, c'est qui, c'est Alice Robbie, hein? C'est Johnny Hallyday qui revient de la mort, hein? Il devrait rester là. Et puis, c'était les Pet Shop Boys. Mais là, c'est rendu très, un peu comme un groupe que j'ai vu, grâce au groupe Les Wampas, c'était Prology. Je n'ai pas payé, j'étais là comme invité, parce que mes amis Les Wampas voulaient pas, mais je me suis incrusté, en un mot. J'ai dit, j'aimerais ça faire une rencontre avec vous autres, radiophonique, parce que... Et quand Tony Truant, lui, « Ah, mon Dieu, Tony Truant! » Et monsieur, connaissez-vous Tony Truant? Tony Truant. Non, vous comprenez. Et puis, là, j'ai travaillé avec moi. Et puis, nous étions à Aix-des-Bains, dans le sud. Et il y avait plein de groupes. Il y avait même, à l'époque, c'était, je pense, son troisième album, La Sublime, L'Incontournable, La Délicieuse. Hein? Non, je n'ai pas goûté. Non. Ben non. Non. Vous voulez savoir son nom? Ben oui, je peux vous la dire, je peux vous dire son nom, mais peu importe, moi je veux parler des Pet Shop Boys. Non, j'ai vu, je me souviens plus de son nom. Elle a fait un album, Le Fil, Camille tout seul, elle n'a pas de nom. Camille pas de nom. OK, Camille pas de nom, tu sais, le fil, puis c'était sur un lit, tout le temps sur un lit, après chaque chanson, lit, il y a même trois versions de Janine. Pourquoi tu m'appelles Saint-Paul alors que je m'appelle Saint-Pierre? Pourquoi tu m'appelles Ovule alors que je m'appelle Ovaire? Pourquoi tu m'appelles Couffron alors que je m'appelle Cornet? Pourquoi tu m'appelles Déclaration de Plainte alors que je m'appelle Avec Poursuite du Détier? Pourquoi tu m'appelles Sécu alors que je m'appelle Sicard? Pourquoi tu m'appelles La Mort alors que c'est moi qui t'éclaire? Pourquoi tu m'appelles Saumur alors que je m'appelle Sauterne? Pourquoi tu m'appelles Histoire alors que je m'appelle La Guerre? Pourquoi tu m'appelles Erreur alors que je suis humain? Pourquoi tu m'appelles La Viande alors que je m'appelle La Mer? Pourquoi tu m'appelles Tricycle alors que je m'appelle Trimestre? Pourquoi tu m'appelles Déjà alors que je viens à peine de naître? Pourquoi tu m'appelles Janine alors que je m'appelle Thérèse? Pourquoi tu m'appelles Sous X alors que je m'appelle Y? Pourquoi tu m'appelles Ardèche alors que je m'appelle Corrèze? Pourquoi tu m'appelles PC alors que je m'appelle Appel? Pourquoi tu m'appelles Alice alors que je m'appelle Herpès? Appelle-moi pas mon vrai nom, c'est la seule chose qui m'oppresse. Voilà la chanson d'Elton John. Janine, amène-moi ton gin. Janine, verse-moi ton gin. Janine, tu es la plus fine. Janine. Non, c'est pas celle-là. Mais en tout cas, peu importe. Alors, j'ai vu, Prology. Puis, Didier Wampas avait fait une chanson avec Camille. Elle l'avait appelée. Moi, j'étais présent, moi, là, j'étais le, entre guillemets, le journaliste, mais pas, j'ai jamais étudié en journalisme, mais l'invité radiophonique, CKRL, j'étais le représentant de CKRL, j'ai fait honneur à ma radio, ne vous en faites point. Tony Tourant, lui, un peu moins, mais sa profession, c'est quoi? C'est charlatan? Non, c'est troubadour charlatan, parce qu'il avait volé, moi, je te dis, il avait volé du Jack Daniels. Parce que quand il y a des groupes qui partent dans le même autobus, j'étais dans l'autobus avec eux autres, on donne de la bouffe, hein, de la pizza, puis de l'alcool, mais de l'alcool fort, là, du Jack Daniels, puis n'importe plein d'affaires là-même. Puis là, on part. Chauffeur, là, j'ai parlé avec le chauffeur un peu, là, parce que tout le monde était Val-de-Ri. Puis moi, j'avais, innocemment, j'avais mis 3 bouteilles de vin. Mais du vin, comparativement à du Santon Comfort, ou, hein, c'est quoi, c'est rien, c'est de la limonade. Personne n'en a voulu. Fait que je l'ai partagé avec une jeune fille qui est avec moi, que je connaissais pas, mais qui a été invitée par Didier Wampas. Et on était voir, en tout cas, pour faire une histoire courte, là, mon du Seigneur, hein, il va finir par dire la mensuration de la jeune fille puis c'est sa grandeur de sous-vêtements. Mais c'est que on était vu voir le groupe que je vous ai dit, là. Pardon? Le groupe. Pas les Pet Shop Boys, là, mais qui ressemblent aux Pet Shop Boys, Prodigy. C'était extrêmement techno comparativement aux albums, là. Moi, j'ai trouvé ça un peu lourd, mais le groupe, qui est quand même très select, a trouvé ça génial. Tu dis, c'est merveilleux, merveilleux. Ben, moi, je me fie aux élites. Mais pour venir aux Pet Shop Boys, on arrête là-dessus. Je trouve que le spectacle est bien, il est très garni, même extrêmement garni, mais je n'ai vu que 45 minutes. Ah, je reçois un esprit libre, un auteur, compositeur, interprète, Rature. Alors à toi, Rature. Laissez-moi papoter dans les nuages, bébé. Je crois m'avoir mal exprimé, c'est vrai. Y'a des barbus au cœur tendre, Barbie. Et des imberbes, des imberbes, des imberbes qui aiment la violence au lit, ouais. C'est nouveau qu'on me reproche mon innocence de poupée. J'ai dans le cœur une corolle qui ne demande qu'à pleurer. Dans les bras d'une madone, j'aime me faire cajoler. Qu'elle me donne du joli, qu'elle me joue du trombone, car je suis tout doux. Je sais, ça se voit pas beaucoup, mais je suis sans pitié. Pour les câlins tout doux, pour les doudous, les nénés. Je cherche un peu partout, des bisous, des baisers. Des paires de yeux à aimer, des je t'aime, susurrer, ouais. Si t'en veux toi aussi, je peux te faire tâter. Du bec au tout choubi, au goût de gomme à mâcher. Je te donnerai la technique qui sert à dénuder tes petites fesses sans panique, de les voir s'envoler. Quel dommage, jusqu'à quel âge pour votre pelage vais-je m'extasier devant une cagole? Je me sens comme Bambi, oui Bambi c'est mon idole et mes idoles je les chéris. Salut Rature. Ouais, je suis désolé. Mais non, il n'y a pas de problème. Je suis vraiment désolé. Vite. Ben oui. J'ai couru comme un dérapé, mais non, j'habite à l'autre bout. On ne peut pas se télétransporter. Non. Donc reste en calme. J'habite à l'autre bout de oui. Paris. Ouais. Alors c'est une heure. C'est une heure. J'ai mis une heure là. Si. Oh. Après, ça peut être plus court, hein, mais là j'ai vraiment mis une heure. D'habitude, c'est plus court, mais c'est 45 minutes. Mais j'ai voulu venir en vélo, donc j'ai fait toute une partie en vélo. Je traversais tout Paris. À un moment, je voulais prendre le métro. Il était fermé. Donc j'ai fermé déjà ? Bah ouais, la une. Il y a toute une sortie qui était fermée. Donc okay. Je me suis dit, bah, je vais prolonger jusqu'à Concorde. Et à Concorde, je vais prendre la 12. Alors là, final... ton vélo est là ? Non, j'ai déposé mon vélo à Concorde. Ok. Et après, je suis venu en métro. En moto ? En métro. En métro, ouais, bah en oui, métro. Bah oui. Ah, mais Rature, c'est quand même... Ouais, il fait chaud, hein ? Il fait chaud. Mais ça a quand même explosé grâce au Cénobar. De quoi ? Ça a explosé grâce au Cénobar. Mon projet ? Oui. On va dire merci. Que... Merci. Le Cénobar, ça n'a pas encore explosé mon projet, mais en tout cas, ça commence à parler, ouais. Ben, on parle des ex-ouest. Ouais, ça commence à parler un petit peu, ouais. Ben, Paul Pechner t'a fait dire bonjour. Ah, bah, si bien, t'as vu, ouais. Ben, c'est lui qui est venu me cueillir à l'aéroport samedi. C'est pas vrai. Ben oui. Incroyable. Ben, oui. Puis là, j'ai rencontré, écoute, combien d'artistes. J'en ai plusieurs là, qui te souhaitent Il y a Pauline, bien sûr. Pauline Paris. Oui, ensuite, Daphné de Villiers qui te faisait bonjour. Daphné de Villiers, ouais. Oui, je dois savoir qui. Enfin, je la situe pas tout de suite, mais je pense que je l'ai déjà croisée. Auteur, compositrice féministe. Ouais, d'accord. Ok. Alors, je viens de la rencontrer. Ok, puis, d'accord. J'ai dit que j'allais te rencontrer. Ah, ben oui, je l'ai déjà vu, mais bon, c'est nos bars. Et ça a commencé comme ça. D'accord, ok. Mais ça fait pas si longtemps que tu t'es lancé dans le milieu artistique. Alors, si. Ok. J'avais un premier projet qui s'appelait L'Arthur. Ok. L'Arthur. Et celui-là, le premier projet, j'avais 25 ans, 26 ans. Quand je l'ai lancé, il a marché plus rapidement, vite. Parce que j'avais participé à un concours sur France Inter qui s'appelait On a les moyens de vous faire chanter. Et une sorte de radio crochet. Et j'étais arrivé hyper loin dans le concours. Et donc du coup ça m'avait permis en fait d'être un peu dans le bain. Et après j'en ai eu marre. J'ai arrêté de la musique, de mon projet, de plein de choses. Est-ce que ça t'arrive souvent? Non. Okay. Enfin, ça m'est arrivé une fois. Okay. Et je m'amusais plus en fait. Je prenais plus de plaisir. Okay. Et alors moi je vais vous prendre un grand coca s'il vous plaît. Allez, un deuxième coca. Merci. Mais est-ce que ce projet-là a commencé par un disque ou Il a commencé par une blague. Okay. Parce que je continuais à faire de la musique et puis je m'amusais bien et je me dis en fait j'ai envie de retrouver cet amusement que j'ai là, cet amusement primaire que j'ai là. C'est mon copain, je te passe ça par là, je suis fainéant. Il n'y a pas de problème. Merci. Super. Et voilà, et j'ai commencé à faire un clip, puis un deuxième clip et puis en fait j'ai vu que les gens ils aimaient bien et puis après je me suis dit je vais en faire un spectacle. Et grâce au Cénobar, en fait, elle m'a proposé... Ah, okay, tu parles de ton plus récent? À Rature, oui. En Tutu? En Tutu, oui, c'est ça. Okay. Ouais. Et grâce au Cénobar, ouais, j'ai pu créer le spectacle, en fait. Alors, tu as fait un soir? J'ai commencé une fois, et c'était il y a un an. Oui. Elle m'a proposé, elle m'a dit, écoute, je te programme là. Mais tu n'avais rien de prêt? J'ai fait rien. OK. Mais c'est comme notre ami Paul n'avait rien de prêt non plus. Il a fixé la date avant même de... Bien sûr. D'écrire. C'est ça. C'est ça, c'était ça. Elle m'a dit fais ce que tu veux. Et moi, parce qu'elle te connaissait. Elle me connaissait, okay. On se connaissait, mais pas très bien. Elle m'avait vu chanter 2-3 chansons. Mais lorsque tu t'es présenté là, as-tu chanté des chansons ou elle savait très bien à qui elle s'adressait? Non, en fait, je l'ai connue, Christelle et le Cénobar, à travers Pauline Paris. Justement. Oui, Pauline, de toutes les. Parce que Pauline et puis Christelle, elles sont très proches. Elles sont amoureuses. Donc en fait j'ai connu, j'ai rencontré Christelle comme ça et puis à une soirée, il y avait la guitare, j'ai commencé à chanter une chanson, Christelle a beaucoup aimé. Au Cénobar. Christelle a beaucoup aimé et elle m'a dit tiens tu sais quoi, ce serait bien que tu fasses un concert ici et tout. Et moi je lui dis moi je sais pas trop mon projet et tout. Elle me fait allez vas-y fais-le. On s'est fixé une date et puis j'ai beaucoup travaillé. Ça fait combien de temps entre la signature et le spectacle? T'avais 6 mois? En fait, il y avait une première date de prévu. Je crois que c'était le 20 mars 2020, truc comme ça. Mais heureusement! C'est tombé le jour des annonces du Covid. Oui, ben c'est ça. Le soir même! Le soir même, moi j'allais faire mon spectacle au cinéma. J'avais mes affaires et tout. Non. Et le soir même, couvre-feu, fermeture. C'est pas vrai. Alors j'espère que ça s'est fait un sketch. Non, même pas, mais ça aurait pu. Ça aurait pu commencer ton prochain spectacle avec ça. C'est vrai, je pourrais. Ben oui, nous aurions pu nous rencontrer il y a déjà 2 ans de ça, et là tu racontes le truc. Absolument. Donc après, il y a eu le Covid qu'on connaît tous et tout, et puis voilà, j'ai pris mon temps. Et entre le moment où j'ai créé le spectacle, la date, il y a eu 6 mois, je crois. Ok. Il y a eu 6 mois, mais... j'ai travaillé pendant 4 mois. Là, 2 ans plus tard, tu es monté sur scène. Ouais. Et est-ce que tu as dû retravailler ou tu voulais garder la même... J'ai tout retravaillé. OK. Pourquoi? Parce que je voulais faire un spectacle. Tu l'avais déjà préparé, tu étais prêt à le faire. Ouais, mais pas un concert. OK. Là, je m'étais préparé à faire un concert, à faire juste un tour. Enchaîner des chansons. De ton répertoire. De mon répertoire. OK. Là, je me suis dit, je vais faire un spectacle. OK. Parler et musical. Sans, voilà. Exactement. Oui, c'est ça. Un seul en scène musical. Oui, exactement. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus? Est-ce que c'est de chanter des chansons ou de les amener? Ou de parler à ton public? C'est de raconter une histoire. Okay. C'est raconter une histoire. C'est-à-dire les emmener où j'ai envie de les d'emmener le public, où j'ai envie de l'emmener. C'est vraiment raconter une histoire. C'est pas... Le chant, c'est une manière de où avec des fois peu de mots, on arrive à procurer beaucoup d'émotions parce qu'il y a de la mélodie, parce qu'il y a... Et donc du coup, c'est autre chose que de parler en frontal. Et c'est, voilà, c'est ça que je voulais faire. Et toi, tu fais de la musique, as-tu étudié en musique? Non. Quelle est ta formation? Théâtre. Quatre, ok. Théâtre, ouais. Okay. J'ai fait une conservatoire. J'ai fait conservatoire et... D'art dramatique? D'art dramatique, ouais. Et mise en scène, du coup, comédien et metteur en scène. Et à la base, je me préparais pour être metteur en scène. Ok. Voilà. Et toi, ta formation? J'ai ma formation de ça. Ouais, okay. Ouais. Et puis la musique, j'ai appris ça tout seul, en autodidacte. Plus jeune ou quand même à 15 ans, j'ai commencé à avoir une guitare. En fait, je vais pas mentir, j'ai mon père qui est guitariste. Ok, qui est professionnel. Professionnel, qui a fait toute sa carrière là-dedans. Qui a une belle carrière. Artistes. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, ouais. C'était guitariste de Thomas Fersen, de Vincent Delerme, de plein de gens, toute cette mouvance. En fait. Et donc, est-ce que tu es plus studio ou plus scène? Parce qu'il y en a qui sont consacrés uniquement pour la scène et d'autres qui sont consacrés. Puis même l'album d'un chanteur, c'est pas toujours et rarement ou jamais ceux qui sont sur scène. Alors, moi, à cette question, en fait, je tranche pas. Parce que ce que j'aime dans ce que je fais. Non, mais ton père, lui. Ah, mon père? Oui. Ah, mon père, il est les deux, studio et scène. Ok. Ouais, ouais, il faisait les studios pour les artistes qu'il accompagnait après. Et toi? Et moi? Moi, est-ce que je préfère ou est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que tu voudrais exploiter? Ah, moi, créer. Alors, moi, je vais t'expliquer vraiment, c'est la création que j'aime. Et l'état de création, on le retrouve aussi bien en studio. Ouais. Vraiment, où on est vraiment là, où on est dans l'outil de création, on est vraiment dans l'instant, vraiment. C'est dans la sensation de l'instant, la sensation de vivre le moment, d'exister, en fait. Vraiment, c'est la sensation de création, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et la scène, où on essaie de reproduire cet instant unique, cet instant de création. Et des fois, on y arrive. Ouais. Des fois, on y arrive. Et c'est ces moments-là qui sont magiques. C'est où ce moment, pour le public, moi quand je suis au public, ce moment où on a vraiment l'impression que ce moment est unique pour nous. Ouais. Dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on voit, et dans ce qu'on fait. C'est aussi unique. C'est un spectacle vivant, donc c'est ça. Le soir, bien sûr. Un samedi, c'est pas un lundi. Absolument. Le public n'est pas le même. Absolument. Et je fais en sorte de créer ça parce que dans mon spectacle, ceux qui l'ont vu, en fait, je change à chaque fois. Mon spectacle ne sera jamais le même si je le joue le samedi ou le dimanche. Okay. Parce qu'il s'adapte au lieu dans lequel je joue, il s'adapte à l'heure, il s'adapte à tout, en fait. Et tu te prépares avant, quelques heures avant, pour l'actualiser. Ouais. La veille tout le temps. Et est-ce que tu fais comme un peu faisait Dubeda, c'est-à-dire que tu prends un peu ce qui se passe dans l'actualité pour où ça n'a rien à voir? Des fois, j'y joue. J'ai fait un petit clin d'œil. Okay. Mais j'ai pas envie de m'ancrer dans quelque chose que dans l'actualité. Voilà. Mais sur scène, aimes-tu beaucoup l'improvisation? Non, je suis très mauvais. Okay. Je suis très mauvais. Okay. Je suis excessivement mauvais en impro. Et on peut pas le savoir que c'est improvisé. Puisque, bah voilà. C'est ça. Mais après, je me laisse justement cette liberté de pouvoir improviser. Mais je sais que je vais retomber sur mes, sur mes rails. Si le micro flanche, tu vas pouvoir faire quelque chose avec ça. Bon, après, je peux pas. Y a des fois, en effet, on est tout le temps soumis à l'improvisation au moment, à l'instant T. Ouais. Mais dans la trame narrative et dans ce que j'essaie de raconter, il y a très peu d'improvisation quand même. Et tu te colles souvent, presque toujours à ce que tu as écrit parce que c'est rassurant. Ouais. Parce que c'est rassurant et parce que... Parce que il y a un côté très rassurant. Mais après, ça m'est arrivé plusieurs fois de dévier de ce que j'ai écrit, mais je sais que je peux retomber sur mes pas. Okay. Voilà. Okay. Voilà. Et les chansons, est-ce qu'elles sont rattachées au monologue ou si ça fait. Ou ça n'a rien à voir? Il y a toujours. C'est ça qui a été drôle, c'est que quand j'ai construit ce spectacle, mes chansons étaient déjà toutes créées. J'avais tout créé mes chansons. Quand tu te minaudes, quand tu te coquettes, quand tu te pâmes, quand tu joues à la fillette, quand tu joues à la madame. Garce, quand tremblent tes gambettes, hésitante paire de cannes, qui chancelle ta silhouette sous mes mains courtisane, quand tu te marquises, quand tu te princesses, quand tu te reines, quand c'est tout le monde que tu méprises, quand tu joues la souveraine, quand t'oublies ta pantoufle, quand t'égares ton anneau, quand tu dors sans un souffle, quand tu te piques au fuseau, garce, garce. Garce, quand tu te Lancôme, quand tu te Chanel, quand tu te mages, quand tu fais tout pour être belle, pour être bonne comme une image. Garce, quand tu chiffres tes atouts, quand tu cotes tes talons pour briller comme un bijou au poignet des grands patrons. Quand tu t'émeraudes, quand tu te diamantes, quand tu te saphires, quand les pierres tu les aimantes avec un large sourire. Quand tu parles de famine, quand tu parles de misère, quand tu sers de vitrine aux cantines de millionnaires. Garce, garce, garce, garce, garce, garce, quand tu te salopes, quand tu te chiennes, quand tu t'emputes, quand d'un œil tu me dis stop, quand d'un doigt tu me dis chute, garce. Quand tu es toute confuse, quand tu te caches, quand tu te tais, quand dans tes draps recluses, quand c'est une ruse, quand je le sais, quand tu t'échappes, quand tu t'enfuis, quand tu te saoules, quand c'est tes craintes que tu vomis, quand c'est ton corps que tu refoules, garce. Quand c'est pour lui que tu ris, quand c'est pour lui que tout s'écroule, quand en plus tu me dis oui, quand tu en jouis, quand tu en joues. Et le spectacle s'appellera-tu ? Il s'appelle Très cher journal. Très cher journal. Parce que je m'adresse à mon journal intime. Okay, okay. Et en fait, toutes les chansons étaient créées. Et j'ai créé le spectacle autour des chansons. Okay. Et en fait, beaucoup de gens sont venus me voir et tout. Ils m'ont dit c'est bien et tout. Parce qu'ils pensaient que j'avais créé le texte et l'histoire et que j'avais mis les chansons à l'intérieur. Pas du tout. Donc, ouais, les chansons existaient avant. Ouais, Est-ce qu'ils se sont retrouvés sur une pastille ? Est-ce que tu les as enregistrés ? Ouais, ouais. Okay. J'ai sorti un EP là il y a quelques mois, un premier qui s'appelle Très cher journal saison 1. Combien de chansons ? 5. Ok. Et là, tu l'as pas mis ? Non, bah j'en ai plus en fait, il faut que j'en fasse presser. Ok. Par contre, si tu veux, j'ai des sous-bocs. Oh oui, mais ça joue mal. C'est collector. Ok, collector. Mais est-ce que tu vas pouvoir m'envoyer ça par WeTransfer ? Bien sûr, avec plaisir. Ok, parfait. Tiens. Oh oui, oh. Je t'avais merci, ben oui. Comme ça, tu pourras le partager. Ben oui. Quand tu pourras boire. Tac. Si je clique là-dessus, j'arrive sur ton site. Ouais. Ok, merci. Et comment t'es venu ce personnage-là? Naturellement. Pourquoi Arthur? Parce que tu en fais souvent? Parce que là, avant, je m'appelais l'Arthur. Ouais, l'Arthur, ouais. Et c'était quelque chose de plus sombre, plus un peu plus sérieux, un peu plus voilà. Et puis en fait, j'ai voulu prendre l'opposé. Ouais, ok. Et je me suis dit, j'étais dans une période de ma vie où j'ai l'impression de tout rater. Oh. Je me suis dit, tu sais quoi, on va faire un personnage et on va faire un personnage de ça, de rater, mais on va le prendre au sérieux. On va rater sérieusement, quoi. Okay. Et en fait, on s'aperçoit que rater, ça peut, c'est aussi le commencement de quelque chose. C'est aussi, mais c'est pas parce que toi, pour toi, c'est raté que pour tout le monde, c'est raté. Absolument pas. Mm. Non, non. C'est non, ta vision que t'as de l'échec. Absolument. Mm. C'était ma vision de moi à l'instant où j'ai choisi ce nom. Ouais. T'étais trop pris par ton personnage. Ouais. Non, pas par personnage. Non, par ta vie. Oui, par ma vie, ouais. Et puis je me suis dit, autant le raconter, autant le narrer. Et puis ça m'a permis de créer aussi une sorte de distance. Et puis au début, j'aimais bien dire que de toute façon, enfin, c'est vrai, je le dis encore, enfin, quand on s'appelle Rature, on peut se permettre de foirer de temps en temps, c'est pas très grave. On recommence. C'est pas très grave. Donc ça m'a allégé en fait. Voilà, ça a créé une sorte de petite distance qui me va bien. Mais crois-tu garder ce personnage-là longtemps? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Rature. C'est bah, comme M dans Machuchetit. Le M, il voulait l'arrêter, mais il s'est rendu compte que les gens viennent voir M et non pas. Bah ouais, c'est ça. On verra ça. On verra. Pour le moment, je ne me pose pas cette question. OK. On verra. Mais actuellement, ce qu'il faut se dire, c'est que tu travailles avec beaucoup d'artistes, beaucoup de monde te demande de travailler avec eux. Oui, il y en a qui... surtout en mise en scène, ouais. Oui. En mise en scène, bah, ça me fait super plaisir. Moi, j'adore ça. Et qu'est-ce que tu leur dis souvent à ces gens-là, ceux qui sont issus de la chanson et qui n'ont jamais fait de... Que c'est très important. Que vraiment, c'est très très important, surtout dans notre monde de la chanson qui en ce moment vit des jours pas très glorieux, on va pas se mentir. On va dire, enfin, à tous les niveaux, hein, on a du mal à rencontrer notre public, on a du mal à toucher plus de gens. Et que je pense que c'est une forme d'exigence. De créer vraiment, d'aller au-delà du simple concert, du simple tour du chant où on arrive avec notre guitare ou notre tour accordéon pour chanter une chanson, etc. Je pense que voilà, c'est important aussi de, pour le public et pour le spectateur de proposer vraiment quelque chose de nouveau, qui, enfin pas de nouveau, ça a toujours existé, mais d'enrichir en fait. D'enrichir, ça peut être bête, c'est pas spécialement un spectacle, mais en tout cas les transitions qui sont entre les chansons, c'est-à-dire arrêter, ça se travaille, vraiment ça se travaille. Ça se travaille. Pour que ça ait l'air naturel aussi. Pour que ça ait l'air naturel. Pour que ça ait l'air naturel. Et donc, c'est une des premières choses que je leur dis. Et puis, en fait, les gens s'en rendent compte quand ils sont venus voir le spectacle, ils se rendent compte vraiment. Ils disent, ah, enfin, ça fait du bien parce qu'on n'a pas encore vu ça beaucoup. De notre, enfin, ah ouais. Actuellement, dans notre petit monde, on n'en a pas encore beaucoup vu. Donc, c'était vraiment. J'étais vraiment content de ça. Et en plus de ça, après, quand je travaille avec eux, moi, ce que je veux, c'est. Là, t'as dû le mot. C'est que ça ait l'air naturel. Je veux pas que ça soit joué. Ouais. Je veux pas qu'on se dise « Ah tiens, il fait comédien, tiens, tiens, poète, etc. » Non. Qu'il n'a pas l'air à l'aise. Ça, tu essaies de tout enlever ça pour que le rouage... Il faut s'adapter à la personne, en fait. Ce qu'il faut, c'est montrer la personne. Montrer. Vraiment, c'est ce que j'essaie de faire avec Sophie Lecam, par exemple, qui est une artiste avec qui je travaille. Ouais. C'est-à-dire qu'on a très, on a beaucoup travaillé la mise en scène, on a vraiment beaucoup d'éléments de mise en scène. Elle-même avait une mise en scène, elle avait des personnages, ses musiciens étaient déjà... On a tout viré parce qu'elle veut partir toute seule, donc elle fait maintenant un seul en scène. Okay. Et donc elle m'a demandé de travailler avec elle. Et donc, du coup, alors, elle s'accompagne guitare-voix? Guitare-voix, oui. Okay. Et machine aussi, un petit peu. Ok, synthé. Absolument. Et donc du coup, on a des éléments de mise en scène forts, c'est-à-dire des choses qui se voient dans la mise en scène. On se dit, ah, ça c'est vraiment un élément de mise en scène fort, quoi. Et puis à côté de ça, on essaie vraiment de trouver le rapport direct et frontal, enfin pas frontal, mais le rapport direct avec le public pour que voilà, ça soit naturel. Naturel. Vraiment, je veux pas... Enfin, quand je travaille avec des gens, je veux vraiment qu'ils sortent vraiment qui sont eux-mêmes, quoi. Mais elle l'avait déjà, ce côté naturel. Elle l'avait, mais... Justement, il ne faut pas le perdre, il faut, faut l'enrichir, il faut aller encore plus dedans. Et surtout, ces chansons sont tellement... Ouais, encore plus dedans. Ouais, mais c'est parce que ce n'est pas des chansons naturalistes, c'est pas des... C'est, non. C'est presque des bandes dessinées. Mm. Des Michel, là, les Michel, là... c'est génial. C'est, oui, ben oui, mais c'est en même l'absurde, temps... C'est Oui, c'est absurde, ouais. Exactement, c'est ce que j'aime. Ouais. Et la façon de l'amener, la chanson, pour avoir l'air naturel, c'est quand même assez étoffé, c'est pas si facile. Parce qu'en plus, il y a des synthés, ça fait pas trop... Ouais, mais elle y arrive. Oui. Elle y arrive. Est-ce que tu joues ça comme la bande dessinée, une genre de bande dessinée? On n'a pas joué ça, enfin, dans ce qu'on est parti, on l'a pas vu, mais ça aurait été très bonne idée. Ouais. C'est une très bonne question et c'est une très bonne idée parce que ça aurait été le bienvenu, en fait, de s'inspirer de la bande dessinée. Nous, on s'est inspiré vraiment je lui ai demandé vraiment de voir qui est Sophie et j'ai écouté son album qu'elle va sortir parce que c'est quand même un spectacle qu'on a créé pour son prochain album et ses prochaines chansons. As-tu écouté son premier album? Bien sûr. Okay. Ouais, ouais. Oui, j'ai tout écouté. Et est-ce que tu sens l'évolution dans le prochain disque? Ouais. Bah, en fait, non. Évoluer, ça veut dire... J'ai l'impression qu'il y a un côté... grimper une étape, une hiérarchie alors que c'est pas c'est, okay, c'est le même style. Ouais, il y a une continuité. Okay. mais c'est on n'est pas perdu, on n'est pas perdu du l'écriture tout. Est la même, exactement la même, encore plus assumée. Les arrangements, je les trouve super. Est-ce que c'est un EP ou un album? Okay. C'est un vrai disque qui nous sort, il va être super. Quand? À l'automne? À l'automne, parce que je devais la rencontrer mais parti. Voilà. Et la Normandie là. Oui, c'est ça. Ouais ce sera à l'automne et donc du coup on a dû créer autour de ça et donc des nouvelles chansons. Donc moi j'ai rencontré Sophie Lecam et on a vraiment voulu travailler, enfin j'ai vraiment voulu qu'on travaille justement sur cet aspect de pas perdre ce côté vraiment spontané, etc. Et d'essayer de l'enrichir, d'essayer de le travailler et de... Ouais, enfin que... Est-ce que la mise en scène est faite? Est-ce que tout est préparé? On a encore une résidence à la rentrée. OK. Alors, mais tout est presque fixé. Il reste juste quoi, une journée à peaufiner? Deux, trois jours. Okay. Mais après, ça va être juste de la technique aussi. Les plans feu, ce qu'on appelle les plans feu, le son, enfin vraiment, voilà. Tout ça. Comment tu as travaillé avec notre ami Pechnard, Paul Pechnard? Paul, ça a été différent parce que Paul est arrivé juste avec des chansons sans savoir exactement ce qu'il voulait faire. Donc avec Paul, ça a été moins dans le jeu, plus dans la structure et la construction du spectacle qu'on a travaillé avec Paul. Parce qu'il est arrivé avec plein d'idées, avec beaucoup d'idées. Et en fait, ça a été plus de structurer tout ça. Ok. Ouais. Mon travail, en tout cas, envers Paul, en termes de jeu, etc., il nous l'a dit. Il a dit, moi, je ne suis pas un comédien, je n'ai pas envie de jouer, je ne suis pas un interprète, je n'ai pas envie de jouer. Ouais. Donc, on a essayé des fois de lui dire, c'est ça, etc. Ça, mais c'est Pauline Paris, toi? Non, c'est Camille Feist et moi. Ok. Qui avons travaillé avec lui. Ok. Et Camille qui a monté la même chose. Ouais, qui a monté un spectacle aussi. Et ça fonctionnait très fort. Ça fonctionne très bien. Il y a eu beaucoup d'échos. Ouais, ça a bien marché aussi. Sur le web, c'est. Ouais. Je devais la rencontrer demain, mais elle ne va pas très bien. Elle va pas bien? Ouais, ça fait deux jours que. Donc, on a annulé. Mais c'est pas. Je vais l'appeler. Ouais. Ça fait deux jours qu'elle est malade. Ah, elle est malade? Ouais. Donc, avec là, il y a plein d'intervenants, mais c'est eux qui l'ont aiguillé un peu, Paul. Ouais. C'est toi et elle. C'est Camille et moi qui avons, je pense, le plus travaillé sur le spectacle. Et on a vraiment, pour lui, on a vraiment travaillé sur une structure, sur une narration complète, pour qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Et puis après, pour tout ce qui est du domaine de l'interprétation, etc., on n'a pas eu beaucoup de temps, donc on a travaillé une ou deux séances pour vraiment fixer des choses. Mais après, ça va se faire sur le jeu, sur la continuité. De toute façon, ça va. Plus il va le jouer. Il va le refaire. Voilà, et bien sûr, plus il va le jouer. Ouais, il va le rejouer. Et comment tu l'as reçu quand tu l'as regardé au Cénova? J'étais pas là. Ah, t'étais pas là? Oh, non, malheureusement. Okay. C'est pourquoi? Ok. C'est pourquoi? J'ai loupé mon train parce que j'étais à Marseille ce week-end-là. Ok. Ouais, j'étais à Marseille et au moment de prendre mon train, j'ai loupé. Oh. Ouais, comme un con. Parce que j'avais fait exprès de rentrer à l'heure. Pour arriver à 19h et puis arrivé en gare, j'ai loupé mon train. Parce que tu n'étais pas à Paris. J'étais avec ma blonde. Ah, copine, ouais. J'étais avec ma blonde à Marseille. Quoi, mais si tu dis blonde, elle n'est pas québécoise. Non, ok. Non. Et attends, parce que moi je m'interroge, Rénald, toi t'es du Québec, du coup de Montréal? Québec. Ah, Québec, oui, de Québec, de la ville de Québec. Oui, d'accord. C'est KRL, est la première radio communautaire francophone au monde. D'accord, ok. Alors c'est nous qui avons amené les Super Nana, les Carbone 14, NFS, des Coluches, en fait, à faire respirer la radio, la rendre un peu plus ludique, moins constituée comme la radio d'État. Faire exploser, d'amener vraiment des vrais passionnés du jazz, ouais. de rock, et des animations décousues. Ouais. On sait ce qui est arrivé hein, avec cette radio Libla, ça a fait des choses extraordinaires. Ouais. Il reste Radio Libertaire, qui est un peu plus conventionnel. Ouais, maintenant, ouais. Mais il y a des radios beaucoup plus éclatées, des radios régionales. Et voilà, on est les investigateurs, on est venus ici en 80, parce que nous, on existe depuis 74. D'accord. On a eu 50 ans. Incroyable. Moi, j'ai mon émission depuis à peu près 20 ans. D'accord. Et dédié à la chanson française ou à tout style? La première, c'est sur 2 heures. Le premier volet, c'est sur l'impro. C'est une improvisation de 60 minutes. Ouais. Intercoupée de musique, de chansons. Et après ça, j'amène un invité. Alors, le côté le plus stable de l'émission, c'est mes rencontres parisiennes. Parce que la première partie, comme c'est de l'absurde, on décolle partout. D'accord. On décolle de partout, on est en transe continuellement. Génial. On essaye, moi c'est les mots qui amènent mes idées, donc je ne sais même pas où je m'en vais. Ouais. C'est quand j'enchaîne avec la chanson et que je me suis rendu compte que j'ai fait 22 minutes d'impro. Quand à la radio, on doit parler maximum 10 minutes et passer une chanson. Ouais. Parce qu'on perd l'auditeur. Mais moi, comme je suis dans des folies, tout le monde est à l'écoute de ce qui va se passer. Parce que j'ai des personnages qui rentrent pas. Okay. Et c'est toujours moi qui fais ça. Et quand je faisais des directs à CKRL au début, il y a 20 ans, il y avait beaucoup de lèche-vitrine. Tu sais ce que ça veut dire, du lèche-vitrine? Ben, tu vois, dans un... Ah oui, dans le studio, c'est les gens qui regardaient... C'est ça, exactement. Ben, nous, c'est dans les centres commerciaux, ils préparaient des exemples pour Noël, un beau sapin de Noël, puis là, les gens faisaient du lèche-vitrine, ils regardaient les cadeaux, oh, c'est ça. Bon. Ça vient de là, le lèche-vitrine. OK, d'accord, super. Donc, les gens venaient voir qu'est-ce qui se passait, quelle équipe, avec qui j'étais, ouais. Quelle équipe. Et mais ça, c'est la première semaine. J'ai décidé de filmer pour montrer vraiment que j'étais seul et que je jouais avec la profondeur sonore. Alors en avant, c'est moi, mais en arrière, c'est un personnage qui vient entrecouper, qui D'accord. rentre claquage de porte. Ouais, ouais. Et donc, je m'envolais comme ça régulièrement. Là. Et là, les gens, parce que c'était complètement éclaté, complètement fou. Ouais. Donc, les premières années, ils ne savaient pas du tout sur quel pied danser, puis aujourd'hui non plus. Mais comme ça fait 20 ans, ils s'habituent à une chose, c'est que c'est certain que ça ne sera pas classique. D'accord, ok, super. On sait, il y a des personnages qui sont encore là. Il y a Rita Biblo. En fait, Rita Biblo, c'est une femme qui a déjà existé, mais qui s'appelait Rita Bibo. D'accord. Qui est une grande comédienne des années 70. Et moi, j'ai décidé de massacrer un peu des personnages et de les apporter, mais à ma façon. Donc, c'est devenu Rita Biblo. D'accord. Elle est toujours là, comme un Biblo. Énorme. Oui, c'est ça. Elle a toujours sa façon de voir le monde, qui est un peu déstructurée, parce qu'elle comprend sa manière. Mais ça n'a rien à voir avec l'actrice, là. Le ouais. nom est venu. Pourquoi Rita Biblo? À cause de Rita Bibo. C'est beaucoup de jeux de mots. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et okay, génial. Elle recoiffe ses mèches sous cette lampe bouillante d'un regard, elle m'empêche de la suivre dans la danse. Elle ne veut pas se faire conduire, elle ne veut pas qu'on la retienne. Il faut la regarder partir en priant qu'elle revienne. Quand ma meuf s'en va faire des pogo, moi qui rêve d'un slow auprès d'elle, faire des pogo, moi qui rêve d'un slow auprès d'elle, auprès d'elle. Tout le monde la regarde, personne n'ose l'affronter. Elle semble tellement vulnérable, tellement douce, tellement sucrée. Comme elle est belle en pleine bagarre, comme elle rayonne de tous ses traits. Quand elle protège ses petits nibas pour mieux foncer dans le paquet. Oh, quand ma meuf s'en va faire des pogos, moi qui rêve d'un slow auprès d'elle. S'en va faire des pogos, moi qui rêve d'un slow auprès d'elle. La foule, elle joue l'oiseau blessé qui près de moi roucoule dans mes bras enlacés. Puis tout s'écroule, elle court casser des nez, donner des coups de boule. C'est sa façon d'aimer. C'est sa façon d'aimer. Quand ma meuf s'en va faire des pogos, moi qui rêve d'un slow auprès d'elle. S'en va faire des pogos, moi qui rêve d'un slow. Quand ma meuf s'en va faire des pogos, moi qui rêve d'un slow auprès d'elle. S'en va faire des pogos, moi qui rêve d'un slow. Donc, c'est beaucoup de délire. Et donc, le plancher, c'est ici. Quoique, il y a certaines personnes que je rencontre, comme aujourd'hui, il y a deux enregistrements où on s'en va un peu dans la mouvance. D'accord. Et j'ai même dit au chanteur tout à l'heure, j'ai dit, écoute, on parle depuis presque une heure et demie. Toi, t'es comme un bateau en plein milieu d'une mer. Et on attend. Parce qu'en fait, il parlait, mais on dirait qu'il discutait avec lui-même. D'accord. Et le monsieur avait quand même 60 ans. Là. OK. Tu sais, c'était pas un jeune où je peux comprendre que la nervosité, je sais pas pourquoi on est nerveux, là, mais voir comment ce gars-là était vapeur. Mais je trouve ça bien, c'était pas ridicule, et c'était vaporeux. Ouais, ouais. Et moi, ça me dérange pas, les vaporeux. J'ai travaillé 28 ans dans un quartier chaud comme la Pigalle. D'accord. J'étais caissier de nuit. D'accord. Donc, les vaporeux, j'en ai rencontré. Allez, j'ai eu 22 vols à ma armée, donc je suis prêt à tout. Il n'y a pas de problème. Mais c'est de. Je me dis que l'auditeur qui va écouter ça, parce qu'à l'audio, ça donne autre chose. Bien sûr. En personne, tu dis, oh, mais après ça, tu dis, mais non, c'était quand même pas mal. Et parce que c'est à cause de mes réflexions à voix longue, à voix haute, que j'ai balancé le bateau. On sentait vraiment qu'il était là, il n'y avait pas de vent, et puis on laissait aller. Je posais des questions, mais après ça, il repartait dans ses réflexions. Mais ça avançait pas, ça avançait. D'accord. Il n'y avait pas de vent. Donc, OK, d'accord. Mais ça a donné une très bonne émission, là, qui va durer peut-être même 3 semaines. Durer 3 semaines, ah oui. Ah oui, parce que, en fait, moi, je fais aucun montage. Ah oui, donc là, je suis enregistré, là? Ben oui. Ah, d'accord, je ne savais pas. Ben oui, je ne suis pas ici. Non, non, moi. Ah, d'accord. Comme moi, okay. Je ne perds absolument rien. Hein. La vie est précieuse, mais ça. Ah, c'est génial. Non, mais c'est comme la vie, hein. Les jours sont comptés, les heures sont comptées. Bien sûr, ouais. Ah oui, non, je ne commençais pas à dire « Ah, oh, bonjour! » Non, c'est pas du tout ça. D'accord. C'est pour ça que c'est des rencontres radiophoniques. Ah, c'est génial. Je ne suis pas journaliste, donc je ne fais pas des interviews comme bien on sûr, dit souvent. Bien sûr. Moi, je fais des rencontres. On est là devant une boisson gazeuse et du vin. Et je tiens à dire que c'est monsieur qui boit la boisson gazeuse et c'est moi qui bois le vin. mais ça ne change absolument rien. Mais c'est qu'il faut aussi désacraliser la radio. Oui, non, mais c'est super. Je sais que les gens en général n'ont rien contre. Parce qu'en fait, on perd beaucoup d'auditeurs par le fait que la radio est ampoulée. Est ampoulée. C'est-à-dire qu'elle est sacralisée. Ouais. On ne peut plus changer les chaînes, au contraire. Non, c'est vrai, ouais. Parce que c'est un vieux média. La radio, ouais. La télévision, ça dépend laquelle, surtout quelle chaîne, mais on est très consensuel. La radio, c'est quand elle permet ça. Si tu as quelque chose à dire, moi, comme je dis souvent, j'ai rien à dire, mais je le dis. C'est ça. Comme c'est les mots qui amènent les idées, on va t'en trouver des idées. D'accord. Il y a tellement de mots qui existent. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Alors, moi, j'aime pas ça parce que là, c'est pas à moi. Je veux pas m'entendre parler, je veux t'entendre parler. Rature, mon cher Rature. Non, mais moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Oui, je sais. Parce que je te connais pas. Et pas encore, du moins. Ouais, et là, je suis heureux de faire ta connaissance. Ben, moi aussi. Rénald. Mais je m'appelle pas CKRL. Non, je sais. et sinon, qu'est-ce qui t'a. Depuis le début, ça fait combien d'années que tu écris des chansons? On l'a dit. Tout le temps. Okay. En fait, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des chansons, enfin, quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était il y a 15 ans, quand j'ai commencé à prendre une guitare, voilà, j'ai appris deux accords et avec les deux accords, j'ai jamais aimé faire des reprises. Ça a toujours été dans l'objectif de créer, d'écrire des choses, d'inventer. Voilà. Et toi, t'as juste deux accords, pas trois? Non, bah, généralement, les deux, c'est le maximum. Il y a un groupe québécois, je te conseille fortement d'écouter, c'est les trois accords. Ils en ont trois? Oui. Ah, c'est super. Écoute ce groupe-là, tu vois, c'est un groupe déjanté. Ah, j'adore. Ah, ben, il connaît, je crois. Ouais. Lui, il a l'air d'avoir plus de trois accords. Comme c'est la queue qui est. Comme un orchestre symphonique. Un métronome. Ouais. C'est ça, ouais, un métronome. Alors, les trois accords. C'est trois avec le chiffre 3. D'accord. Voilà. Et tu écouteras, entre autres, dans mon corps de jeune fille. Les trois accords, c'est eux? Oui, exactement. Dans mon corps de jeune fille. Mais il y a plein d'autres chansons, je te dis, là, ils sont rendus à 8 albums. Mais c'est de l'absurde, donc c'est mon univers. Oh, je vais adorer. Voilà. Mais toi, t'es-tu dans l'absurdité? Non. Enfin, des fois, oui. Si. En fait, j'aime bien jouer avec ça, jouer avec les situations absurdes, mais toujours attachées à quelque chose de très concret. Ok. Voilà. Pourquoi tu veux rester ancré? Ouais, il y a quelque chose de très ancré dans ce que je propose, dans quelque chose de très réaliste. Mais voilà, avec une dose d'absurdité. Est-ce que ton personnage est un peu un Pierre Richard des temps modernes? Ouais, il y a une part de Pierre Richard, absolument. Il y a une part, pas que. Moi, je suis un Pierre Richard. Il y a une sorte de rêverie, de poésie comme ça, et de maladresse aussi. De maladresse, mais c'est. Ça serait pas de la maladresse, ça serait plus de la loose que de la maladresse. La loose, c'est-à-dire? Bah. le côté un peu perdant de la chose. Raté. Donc sans être une maladresse, c'est-à-dire je vais pas être maladroit dans mon corps, okay. comme le si bien le faire Pierre Richard en faisant tomber des choses ou en étant vraiment maladroit. Non, moi c'est vraiment plus une sorte de. Un mal-être. Ouais, c'est ça, de sorte de loose quoi. Un genre de Souchon toi-même. De quoi? Un Souchon toi-même. Parce que le malaise, Alain Souchon incarne le malaise. C'est ah oui, c'est ça, ouais. Ouais. Mais après, oui, en effet, il y a une part de Pierre Richard dans le personnage, et puis je pense aussi dans ce que je suis un petit peu. Mais Rature, c'est toi. Oui, en fait, Rature. Avant, j'aimais. Plus ça va, moins il y a de distinction entre moi et Rature. Plus ça va. Il y en a encore une petite quand même. Je me permets des choses qui ne m'arrivent pas spécialement tout le temps dans ma vie. Heureusement. Mais en fait, de moins en moins. Ouais. Enfin, des fois, je m'imprègne vraiment beaucoup de ma vie d'Arthur Sangrin. C'est pas tout le temps, c'est même en permanent, je m'imprègne de cette vie. Mais voilà. Essayes-tu de vivre des choses pour pouvoir les écrire et... Toujours. Alors, tu vis des expériences, t'es prêt à n'importe quoi. Ouais, pas loin. Et puis, chose folle, il m'arrive des fois où j'écris des titres fictionnels et qui se reproduisent en fait. Ok, dans tu crées. Mais en fait, c'était une fiction. Enfin, j'avais écrit un texte qui s'appelle Belle et Sensible, qui sera sans doute dans le prochain EP, dans lequel je raconte. En fait, tout le texte, il y a très peu de mélodie, c'est une sorte de ritournelle en fait, mais dans lequel je raconte que j'ai été approché par une artiste qui me demandait d'écrire des textes pour elle, qui avait signé en major, etc. Et qu'au final, je lui ai écrit des chansons et que je les présente à la major, et ils me disent non, ils trouvent ça nul, etc., ils trouvent que ça correspond pas et tout, donc ils me disent non. Et en fait, donc j'écris ce texte dans lequel j'explique, en fait, je fais un portrait d'une fille, voilà, comme ça. Et puis on m'a contacté. Mais j'avais pas sorti ce titre ni rien, mais on m'a contacté. On m'a dit, bah voilà, il y a tel artiste qui cherche en ce moment des textes. Est-ce que ça te plairait de travailler avec elle et tout? Et puis j'ai travaillé avec une artiste. Et puis c'est passé exactement ça. Ah ouais, il t'en retourné. Ouais, ouais. Après, dans le texte, enfin dans ce que je dis, non, dans la vie, fictionnel, mais on te retournait. Ouais, on m'a dit non, enfin mais gentiment, enfin. Mais pourquoi tu l'as pas proposé à elle-même? Mais elle adorait. Ok, alors elle est. Elle adorait, hein, elle parce que moi je me suis. De son groupe, ah bah complètement, souvent, comme beaucoup. Non, mais comme beaucoup d'artistes qui ont signé. Ouais, c'est pas une personne très connue. Bah non, elle a été mise au placard. C'est ce qu'on appelle mettre placard. Oui. Mais elle aurait pu faire cavalier seul et changer des trucs. Ah, sans doute, et je pense qu'elle aurait fait beaucoup plus de choses si elle avait. Elle ne fait plus rien, là. Ah, bah non, là, elle attend. C'est souvent, en fait. Elle attend son frère charme. Hein. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils signent des contrats. Et... Enfin, beaucoup d'artistes ont signé. Enfin, j'en connais 2-3 qui ont signé des contrats et qui sont tout le temps en attente de leur premier album. Mais en fait, ils sortent jamais rien parce que je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais quand ils signent, est-ce qu'ils payent quelque chose? Ils ont une avance. Une avance, ok. Alors. Ils sont prisonniers. Non, mais c'est pas juste ça. Ils peuvent partir. Que... Ouais, mais si. Si moi je paye quelqu'un, ok, et que je la fais pas travailler, ben je perds de l'argent. Ben, je suis absolument d'accord. Ben, c'est il se retrouve sur d'autres artistes. Alors, je sais pas si c'est un bruit qui court ou si c'est à quel point c'est réel ça. C'est un bruit qui court, c'est que des fois on m'a dit qu'ils signaient certains artistes qui voyaient émergents ou qui voyaient auxquels ils voyaient des choses, un potentiel, qui pouvaient venir concurrencer sur des artistes qu'ils avaient déjà signés. Donc du coup, je sais pas à quel point c'est vrai, mais on signe un artiste qui pourrait rouler sur les plates-bandes d'un artiste qui est déjà chez nous, pour justement verrouiller, et voilà. Oh. Ouais. Et c'est très sauvage. C'est la vie. C'est, j'ai envie de dire, c'est oui. La vie, ma poule, c'est pas toujours la gloire. Tout le monde trouve ça cool, alors je l'ai essayé pour voir. J'ai pris des coups, des caresses et des hors-pistes. La vie ci-dessous, c'est sympa mais souvent triste. Puisqu'on juge tout, puisqu'on note ce qui existe. La vie, mon petit chou, moi je lui colle un 5 sur 10. Car elle progresse, mais elle peut mieux faire. en termes de sagesse et de joie planétaire. Oh, elles sont superbes, mes nuits blanches au goût d'anis. Mais combien d'emmerdes pour si peu de délices? Est-ce pour ça que j'espère? Est-ce pour ça que je résiste? La vie, mon pépère, moi je lui colle un 5 sur 10. Ok, y a l'amour, j'avoue j'ai aimé. Tâter du velours et têter du néné. Me sentir incroyable aux yeux d'une autre complice. Puis finir misérable quand s'éteignent les artifices. Puisqu'on est remplaçable dans le cœur comme dans les cuisses. La vie, mon petit diable, moi je lui colle un 5 sur 10. C'est la moyenne, et je parle pas pour ceux qui tout le temps se plaignent de ne pas être heureux. Oh, ils sont étranges à dire que le monde jadis était un mélange de bonheur et de justice. Pour ces gens qui me dérangent à ne voir que le précipice, la vie, mon petit ange, elle vaut au moins 5 sur 10. La vie, mon petit ange, elle vaut au moins 5 sur 10. La vie, mon petit ange, 5 sur 10. Alors, mieux vaut être comme Garance et faire le cavalier seul, trouver ses salles, même si c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, Garance, c'est énorme. Ouais, c'est une besogneuse, mais rendue aussi. Incroyable. Oui, incroyable. Et admiratif. Admiratif du travail de Garance. Mais sur scène, et sur, bien sûr, elle se sent très bien. Elle réussit, mais il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir une énergie incroyable. Et elle y croit. Moi, je pense que cette femme-là mérite qu'on s'arrête. Ah oui, ça mérite grandement qu'on s'arrête sur ce qu'elle fait, bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que c'est un travail monstrueux qui est fait. Il y a un respect infini pour cette fille, quoi. Vraiment. Et tu as fait combien de spectacles avec ton Ratus? C'est le premier. Rature. Ouais, c'est le premier spectacle que j'ai fait. Parce qu'il y a Batus aussi, mais ça, c'est Yvan Dubon et Roquet. Oui, oui. Alors, Rature, un seul spectacle. Un seul. Mais es-tu surpris de voir tout l'intérêt à chaque fois que je parle de ton nom? Ah oui, je l'ai vu, tout le monde t'a vu. Et en plus, c'est pas une salle de 300 personnes. Non, il y a eu un bouche à oreille qui s'est créé entre le moment où je l'ai joué la première fois et le moment où je l'ai joué la dernière fois il y a quelques mois. Et il y a eu un bouche à oreille, mais j'ai été hyper flatté parce que j'ai beaucoup travaillé, énormément travaillé dessus. Et j'ai été vraiment très très flatté. C'est que, voilà, je reconnais que j'ai été très très heureux. Et puis surtout, les gens indépendants te surveillent de près. Ouais, bien sûr. Bah, ils sont plus. En fait, on m'a fait ce compliment qui pour moi est le plus beau des compliments. C'est des artistes plus jeunes, c'est-à-dire la génération un peu en dessous. Moi, j'ai 33 ans, donc on va dire Que tu seras crucifié bientôt? Hein? Est-ce que tu seras crucifié bientôt? Oui, c'est ça. C'est... Okay. Attends, il ne reste plus que quelques mois, là. Oh, ok, mais... Attention, il faut que je fasse quelques miracles aussi. Ouais. Je connais l'histoire, alors tu vas ressusciter, ouais. Et donc, du coup, c'est des plus jeunes qui ont 24, 25 ans, qui sont venus voir mon spectacle et qui, à la fin, m'ont dit... Ça m'a inspiré, j'ai envie de faire quelque chose comme ça, j'ai envie de... C'est vers là que je veux aller. Et là, en fait, je me dis, en fait, on peut me dire que c'est bien, j'ai beaucoup aimé, etc. Ouais. Mais que des plus jeunes et tout me disent ça, pour moi, ça a été vraiment... je me suis dit, ah, c'est cool, ça. Ouais. C'est tout le sens, en fait. Ouais. C'est tout le sens. C'est ça vraiment... prouve que ton travail a bien porté. Ça prouve qu'il a bien porté et qu'il va continuer à porter. Parce que moi, le but, c'est que vraiment, je le joue maintenant au maximum. Un maximum. D'ailleurs, aussi au Québec, il y a des salles prêtes à accueillir un spectacle. Il est pas cher. Mais non. Le gars est là, donc ça prend quoi, une guitare, un gars, puis un tutu? Rien du tout. Ouais. J'ai 4 entrées. Ouais, c'est ça. Puis je fais un spectacle dans des conditions. N'importe quelles conditions. Dans des salons, dans des chambres à coucher, peu importe, c'est du pantalon. Partout. Ouais. À partir du moment où il y a des gens. C'est ça. Ouais. Et qui applaudissent et qui donnent un peu de cachet. Ouais, c'est ça, un petit peu. Bah, mais as-tu beaucoup de chansons dans tes tiroirs? Ouais, beaucoup. Un peu trop. Mais... Que tu veux garder et non pas jeter parce qu'il y a encore un potentiel. Bien sûr. Ou peut-être offrir à quelqu'un qui... Ou peut-être offrir aussi. Les 3-4 figures. Il y en a certaines qui sont vraiment très très mauvaises. Que je trouve actuellement très très mauvaises. Et d'autres que j'aime beaucoup. Et d'autres que j'aime beaucoup mais que je ne me verrais pas chanter. Donc dans ces cas-là, écrire pour les autres, ça a toujours été... pour moi un des objectifs que je me fixais aussi. C'est hyper plaisant de faire ça. Mais pourquoi tu ne chanterais pas avec un autre personnage? Parce que c'est bon. J'en ai déjà un. Ouais. J'ai pas envie non plus de me. Ouais. À rigueur, en groupe, faire un groupe, ça m'intéresse. Ouais, créer un groupe. Comme plus rock? Ouais, soit rock, soit. Ouais, on a un truc. Je sais pas, non, peut-être pas un rock, oui, ou chanson française même. Hein, ouais, ouais, mais ça, ça m'intéresse. T'as-tu beaucoup de projets ou si t'es un gars au jour le jour? Non, je suis pas du tout au jour le jour. Et oui, oui, j'ai plein de projets. Projets, bah, là, déjà sortir le deuxième EP qui va me demander du temps. Continuer à travailler le spectacle, parce que j'ai quelques dates à la rentrée cet été. Donc en plus, c'est un spectacle que vraiment je veux vraiment continuer à travailler et travailler. Peaufiner. Ouais. Travailler pour les autres aussi, là, comme Sophie Lecam par exemple, encore à la rentrée, travailler sur son prochain spectacle. Et sur le spectacle de d'autres, on m'a contacté pour peut-être que Paul va te demander. Peut-être que Paul va demander des retouches, des retrouvailles pour des occasions, s'il en a besoin. Ouais, bien sûr. Tu connais Nicolas Patou? Ah oui, j'adore. Bon, ben c'est lui qui m'a demandé de. Qui m'a soumis le nom, ton nom. Et c'est grâce à lui si je te rencontre aujourd'hui. Ah super! Ah, oui, ah, oui. Ouais, génial Nicolas. Qu'est-ce que. Oui, vas-y. J'adore, tu connais un peu son personnage, la fête du métro et tout. C'est génial. Tout. C'est génial. Et toute sa discographie. Ah ouais, il est incroyable Nicolas Patou. Enfin, et qu'est-ce qu'il fait chez lui? Ah, c'est cette folie, cette candeur, c'est un enfant Nicolas Patou, c'est l'enfant qu'on a tous en nous. C'est un enfant qui a un enfant là. Ben ouais, c'est vrai, il a eu un enfant quand les enfants font des enfants. Ouais. Et en fait sur scène, après en dehors de la scène, il est quand même bien fou. Mais sur scène, c'est puissance 10 quoi. On va voir un spectacle, on ne sait pas ce qui va se passer, non. Et lui-même, je crois, ne le sait non, pas c'est vraiment. Pas, non, c'est ça. et il se permet tout, et il est sans jugement, il porte aucun jugement. Il est entièrement disponible, c'est un punk, Nicolas Patou. Ouais, c'est vrai. Et puis il a des titres super, il a des titres sans complexe, où il parle de choses vraiment, j'adore ça. Mais je veux revenir à toi, est-ce que tu veux prendre un autre instrument qu'une guitare, comme un ukulélé, parce que quand je pense à Patou, il faudrait juste que j'apprenne à en faire. Ok, mais c'est deux cordes en moins, donc c'est pas compliqué. Ouais, mais je suis pas très bon, même si je suis né d'un père musicien, j'ai pas hérité de son don. Donc je suis pas très bon musicien. Et toi dans ton cas, est-ce que c'est les mots qui amènent les idées ou les idées qui amènent les mots? Les deux, okay. Mon capitaine. ça peut être des fois un texte entier que j'ai écrit sur lequel je vais essayer de trouver la mélodie qui va aller. Et donc dans ce cas-là, je retouche soit le texte, voilà. Ou sinon, des fois, c'est une idée de mélodie sur laquelle je vais avoir le texte qui va venir se greffer. As-tu des flashs souvent de phrases, de mots, de consonances? Tout le temps, si tu veux. Regarde, je te montre. En fait, là, je suis en permanence, mais c'est comme beaucoup, hein. Je ne suis pas unique dans ce cas-là. Mais tu vois, là, sur mon iPhone, j'ai des notes. Et tout ça, c'est que des notes. C'est des débuts de phrases. C'est des débuts de phrases, des pensées. Là, je suis à la note 36. C'est quand même assez long. Non, elle est courte celle-là, parce que je l'ai débutée il n'y a pas longtemps. Okay. Mais, tu vois, genre, je prends la 35. Enfin, vraiment, c'est en permanence. Donc, des fois, je vais pocher là-dedans. Ouais, c'est dans le métro ou c'est n'importe où? C'est partout. Ça peut être là, on est en train de se parler. Tu vas dire un truc ou je vais penser à voir un truc. Et je vais me dire, ah, tiens, c'est intéressant. Il y a l'inspiration du moment. Voilà. Le casque, peut-être qu'on va le développer. Peut-être pas du tout. Peut-être ça va mourir. C'est pas très. Enfin, c'est pas grave. Important. Non. L'idée est là. L'idée, elle est figée aussi. Et ça peut aussi se transférer dans d'autres chansons, dans d'autres moments. Ou dans peut-être d'autres... une nouvelle. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Pour toutes mes envies d'ailleurs, pour toutes les aventures loin de toi, je n'ai aimé qu'une chose, c'est la route qui chemine vers toi, ma routine à moi. Vers toi, ma routine à moi. J'avoue, je fais rêver personne. J'avoue que je suis chiante à crever. Mais quand le monde s'affole, je sais où m'abriter. Chez toi, ma routine à moi. Chez toi, ma routine à moi. nulle part c'est beau, nulle part c'est loin pour nous, car même si l'on s'égare, je chercherai partout dans le brouillard, tout rond, tout train-train, mon peignoir. De ceux qui te méprisent, à chacun la sienne, si la leur les épuise. Pas toi, ma routine, à moi. Pas toi, ma routine, à moi. Non, je ne suis pas tranquille quand tu vois chez d'autres du meilleur. Car tu es si fragile, mais je suis pas partageur de toi, ma routine à moi. De toi, ma routine à moi. Oui, on ira nulle part. Nulle part c'est beau, nulle part c'est loin pour nous. Car même si l'on s'égare, je cherche. Chers amis, si, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.